suis un globe-trotteur. Enfin, j'aspire à l'être. Parfois, je suis rêveur. Je sillonne la planète, enfermé dans cette grande cage. Je me questionne, je m'invente des voyages pour fuir le monotone, pour fuir le monotone. Et j'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. J'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. Wow. Un jour je décollerai et ne reviendrai plus, tant ma vie me déplaît, tant ces lieux m'ont déçu. Je cherche le courage, je prépare mon départ, je dois tourner ma page, tant qu'il n'est pas trop tard, tant qu'il n'est pas trop tard. Et j'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. J'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. Wow. Désormais je n'ai plus peur et je suis serein. Je me pose là où je me sens bien. La conscience tranquille, j'avance quoi qu'il arrive, vivant mes émotions là où personne ne m'en prive. Ainsi je me ressource dans chaque nouveau paysage, et plus rien ne peut me faire barrage. Ayant pris mon envol, enfin je respire, guidé par mon instinct, plus rien ne peut me retenir, me retenir. Et j'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. J'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. J'en ai rien à faire du regard des gens quand j'ai l'air souvent si absent. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. Wow. J'en ai rien à faire du regard des gens. J'en ai rien à faire du regard des gens. Restant là, je m'ennuie, je veux changer de vie. Wow. Merci.